Jean Bosco, Douiman. Bonsoir et merci d'être avec nous dans ce journal de la soirée. En voici tout de suite les grandes articulations. 90 cas de choléra sont déclarés en commune Kabézi de la province Bujumbura depuis fin juillet dernier. La pénurie d'eau et le manque d'hygiène sont les principales causes de l'épidémie. Reportage à suivre dès le début de ce journal. L'Assemblée nationale a adopté ce mardi le projet de loi portant modification du code minier au Burundi. Les députés ont exprimé leurs inquiétudes sur les fraudes observées dans l'exportation, surtout de l'or. Et le carburant manque dans les provinces de Ruyigi et Gitega, où le litre d'essence est passé à 10 000 francs burundais sur le marché noir. Curieusement, des camions pleins de carburant importés font la queue devant les entrepôts de Gitega pour le déchargement. Et la loi autorise le commerce ambulant au Burundi, même si certains commerçants ambulants sont souvent arrêtés par la police. Nous avons lu cette loi de 2015 pour vous, vous en saurez davantage. Et dans la chronique santé, nous parlerons de la drépanocytose, une maladie du sang transmise à l'enfant par les parents. Voilà pour l'essentiel. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je venais de vous le dire, plus de 90 personnes sont déjà atteintes de l'épidémie de choléra en commune Kabézi, dans la province de Bujumbura depuis fin juillet de l'année en cours. Le manque d'hygiène et la pénurie d'eau potable sont les principales causes de cette épidémie, comme le souligne le médecin directeur du district sanitaire de Kabézi. Il indique cependant que différents travaux sont en cours pour combattre cette épidémie. Évariste Nzikobanyang. Au chef-lieu de la commune Kabézi est érigé le centre de traitement de choléra qui accueille des personnes déjà atteintes par cette épidémie. Depuis le 27 juillet dernier, ce centre a déjà accueilli jusque ce mercredi 92 patients. Parmi les principales causes de cette épidémie figure le manque criant d'eau potable, indique le médecin directeur du district Kabézi, Arkade Hatungimana. Je dirais que les causes majeures, d'abord c'est le manque d'eau, parce qu'à cette période d'été, il y a tarissement des sources d'eau. Au niveau de la commune Kabézi, je pense que la première cause, c'est le manque d'eau potable, avec aussi le manque de latrines adéquates. C'est les deux causes majeures. Il y a manque d'application de mesures d'hygiène. Certains des patients qui ont été soignés se disent satisfaits de la façon dont ils ont été traités. Ils demandent cependant d'avoir de l'eau potable car la pénurie de l'eau dans leur localité est source de cette épidémie de choléra. Faire respecter les mesures d'hygiène et mobiliser les gens pour qu'ils puissent construire des latrines dans leur ménage et aux bistrots et restaurants qui n'en possède pas, souligne le médecin directeur du district sanitaire de Kabézi. Pour nous, les mesures de précaution, auparavant, on s'est réunis, on a organisé un comité de gestion au niveau local, y compris les équipes médicales, l'administration, les équipes de sécurité également, pour faire ensemble les stratégies de combattre cette épidémie, notamment la sensibilisation au niveau des ménages, la descente sur terre aussi, pour quand même qu'on puisse utiliser l'eau potable, aussi la distribution des comprimés d'aquatable. Il y a aussi la sensibilisation pour la construction des latrines et l'utilisation correcte de ces latrines. Aussi, nous allons procéder à la fermeture de tout bar restaurant qui n'ont pas de toilettes. À noter qu'ils sont aidés par les Médecins sans frontières suisses. À part qu'ils prennent en charge les patients, ces médecins suisses approvisionnent de l'eau potable stockée dans des bladères. Le Médecins sans frontières suisses compte ouvrir un autre centre de traitement de choléra au quartier Rudziba de la zone Kanyosha, où cette épidémie de choléra dans les quartiers d'Okajiji et Rudziba se fait sentir, a fait savoir le chef de mission au sein de l'MSF suisse. Merci, Évariste Nzikobanyanga. 10 personnes, parmi lesquelles un étudiant de l'Institut supérieur des cadres militaires, ISCAM, et un policier de la brigade anti-émeute, sont emprisonnés au cachot de la commune de Nyanzalak. Les sources policières à Nyanzalak confirment l'information et précisent que c'est pour des raisons d'enquête. Les précisions de notre correspondant Jean-Pierre Misako. Des informations recueillies auprès de l'administration communale de Nyanzalak indiquent que toutes ces personnes ont été arrêtées vers 10 heures de ce lundi lors d'un contrôle routier effectuée par la police de Nyanzalak au niveau de la rivière Guaba à l'entrée du centre urbain de Nyanzalak. Un contrôle effectué sur les véhicules provenant de Bujumbura. Jean-Claude Nduimana, administrateur communal de Nyanzalak, indique que toutes ces personnes, parmi lesquelles un étudiant de la troisième année à l'Institut supérieur des cadres militaires et un policier de la brigade spéciale anti-émeute, ont été remises à la police de la place pour interrogatoire après les avoir soupçonnés d'être des malfaiteurs comme celles qui avaient été arrêtées précédemment en Bougo pour la même cause. Le commissariat provincial de police à Makamba confirme la rétention de ces personnes qui sont en train d'être identifiées afin d'être interrogées sur une information détenue par la police, laquelle information est gardée top secrète. Jean-Pierre Misago de Pirumonge, Radio Isanganiro. Et Omer Mbonihangouye, qui vivait à Kanyosha, dans la ville de Bujumbura, est porté disparu il y a une semaine. Ses voisins font savoir qu'il serait emprisonné au cachot de la police en commune Gitanga, sous mandat de procureur de la République en province de Rutana. Sa mère dit avoir entendu que son enfant est emprisonné dans cette commune, mais qu'elle ne l'a pas encore vu et demande son relâchement. Alain Désiré Okeyeneza. Omer Mbonihankuye vivait à Kanyosha, avenue numéro 5, dans la ville de Bujumbura et était employé de Buname Claver. L'un de ses voisins donne les circonstances de son arrestation mardi de la semaine passée. C'est une affaire un peu compliquée parce que Omer, moi je suis son voisin, il a été enlevé ces jours derniers par les hommes non identifiés. Par après, il a été relâché. Après, Omer a été retourné sur son lieu de travail. Ce qui nous étonne, c'est parce que le patron avait monté vers l'intérieur du pays et amené les policiers de Rutana, soi-disant qu'avec un mandat d'amener, soi-disant que c'est le procureur de Rutana qui avait donné ce mandat pour arrêter Omer. Celui-ci ajoute les raisons qui seraient à l'origine de cette arrestation. Ce serait pour lui l'argent qu'Omer devrait envoyer à son employeur, mais qui a été volé lors d'un kidnapping qu'il a subi. C'était le mardi. Omer est emprisonné à Rutana, aux zones Gitanga. Son patron avait refusé que Omer n'avait pas de l'argent, ne voulait pas lui envoyer de l'argent. Mais maintenant, il commence à dire que Omer devait lui envoyer de l'argent et que son argent a été volé grâce à Omer. La mère d'Ombonihankuye, Omer, dit qu'elle a entendu que son enfant est emprisonné dans la commune Gitanga, mais qu'elle ne l'a pas encore vu. Je ne sais pas jusqu'à maintenant les raisons de son emprisonnement. Mardi, j'ai entendu que les policiers l'ont mis sur une moto et l'ont conduit au cachot de Rutana où il est détenu en commune Gitanga. Je veux que mon enfant soit relâché parce qu'il est détenu injustement. Nous avons essayé de joindre plusieurs fois l'employeur d'Ombonihankuye sans succès, mais avant qu'Omer ait été arrêté, Claver Buname avait fait savoir qu'il n'avait aucune affaire impliquant l'argent avec Omer. Au parquet de la République en province Rutana, ils disent qu'ils réagiront dans 3 jours puisqu'ils sont en cours de réunion. Alain Désiré, vous qui êtes un stagiaire à notre station. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. L'Assemblée nationale a adopté ce mardi le projet de loi portant modification de la loi sur le code minier au Burundi. Au cours de leurs interventions, les députés de la Chambre basse et du Parlement ont constaté que l'exportation de minerais, en l'occurrence l'or, est émaillée de fraude, ce qui fait de grosses pertes pour le pays. Ils ont opté de diminuer les taxes dans son commerce, passant de 0,8 à 0,7% pour que les commerçants aient le courage de payer les taxes. Léon Svitario. Lors de la séance de ce mardi, les députés de l'Assemblée nationale ont constaté que des fraudes ne sont pas à discuter dans le commerce des minerais, avec un accent particulier sur l'or. La commission parlementaire chargée de la bonne gouvernance et de la privatisation, en collaboration avec la délégation du ministère de l'Énergie et des Mines, ont été unanimes que la taxe ad valorem sur les exploitations minières soit revue à la baisse pour passer de 0,8 à 0,7%. Le député Agathon Rwasa, qui est en même temps premier vice-président de l'Assemblée nationale, estime que cette taxe devrait rester à 0,8% pour le bien de la population. Nous devrions laisser inchangée la proposition gouvernementale de 0,8% pour que le citoyen puisse avoir un plus dans le commerce des minerais, notamment l'or. Il ne faut pas faciliter seulement les commerçants. Le ministre Koman Irakiza Isa explique de son côté que la diminution de la taxe aiderait à ce que les commerçants acceptent de payer la taxe exigée. Il y reconnaît que la fraude dans le commerce de l'or est une réalité. Tu trouves quelqu'un qui exporte 10 kilos, mais qui ne déclare que 4 ou 5 ou 3, tandis que le reste passe à côté en vue de ne pas payer la taxe. Pascal Nyabenda, président de la Chambre basse du Parlement, se dit étonné qu'il y ait fraude dans le commerce de l'or alors qu'il est exporté par avion. Mais la députée Benigne Lurahinda affirme avoir découvert d'autres voies. Transporté par avion? Non du tout. On nous a dit notamment à Chibitoke, on met une culotte déchirée, met là-haut à l'épaule, l'or dans sa culotte et il s'en va avec jusqu'au Rwanda. Il en est de même à la frontière, côté Muyinga. Ils se déguisent, se font cultivateurs, voire des fous, sachant que l'or est dans la poche et il s'en va. Les députés se sont finalement convenus que la taxe soit revue à la baisse, passant de 0,8 à 0,7% pour que les commerçants acceptent de payer, ce qui diminue ainsi la fraude dans le commerce de l'or. Merci Léonce Delors. On passe au carburant qui manque cruellement, notamment à Gitega. Au marché noir, un litre s'achète à 10 000 francs burundais. La situation est comme telle au moment où au parc pétrolier de Gitega, les camions-citernes qui importent l'essence font la queue en attente de déchargement. Arthur Kavarouchi. Cette grogne est partagée par les chauffeurs qui font le transport et les particuliers. Ces deux catégories de conducteurs disent que quand une station vient d'être approvisionnée, on ne distribue le carburant que pendant 2 heures et on dit qu'il est terminé. Cependant, au marché noir, un litre s'achète 10 000 francs le litre. Cette situation n'est pas du tout comprise par les acheteurs de ce produit au moment où au parc pétrolier de Gitega, beaucoup de camions qui l'importent de l'extérieur font la queue là-bas en attente de déchargement, mais qu'aucun camion citerne des différentes stations de la ville de Gitega n'y est pour le chargement et l'approvisionnement de ces stations et ne donne pas d'explication. Les chauffeurs de transport font savoir que si cette pénurie se généralise, ils vont revoir à la hausse le ticket au moment où les commerçants et aussi indiquent qu'ils vont aussi augmenter le prix des marchandises étant donné qu'ils payent les frais de transport de ces marchandises. Nous continuons à chercher les administratifs provinciaux pour qu'ils donnent la lumière sur cette pénurie. Sachez qu'à la station Frabil de Gitega, où il y a du carburant jusqu'à maintenant, il y a vol sur la quantité de l'essence demandée sous le regard de la police. Arthur Kavabushi, Gitega, Radio Isanganiro. Et à Ruyigi, aucune station-service ne distribue ce produit dans cette ville, que ce soit le mazout ou l'essence. Conséquence, ceux qui roulent la moto en voiture s'approvisionnent au marché noir, où le coût d'un litre d'essence a déjà connu une augmentation de 60%. Les plaintes se font sentir du côté des voyageurs qui voient le coût du ticket augmenter. Les chauffeurs des taxis-motos se plaignent qu'ils travaillent à perte. Jean-Claude Chimiriman. Aucune station sur deux qui se trouvait dans la ville de Ruyigi ne distribue de carburant depuis ce dimanche, que ce soit l'essence ou le gazoil. Certains des pompistes disent qu'ils n'ont même aucun rendez-vous sur une probable disponibilité de ce produit d'ici peu. Les chauffeurs de véhicules et motos s'approvisionnent actuellement difficilement au marché noir où un litre d'essence est vendu à 3 000 francs et celui de gasoil à 2 500 francs. À cet effet, le prix du ticket de transport sur le tronçon Ruyigi-Gitega est passé ce lundi de 5 000 à 8 000 francs burundais, soit une augmentation de 60%. De leur côté, ceux qui exploitent les taxis-motos disent qu'ils travaillent à perte. En effet, ils ne peuvent pas revoir à la hausse le coût du ticket de transport de peur qu'ils manqueraient de clients puisque la population se trouve dans une situation de pauvreté, disaient-ils. Face à cette situation, ceux qui exploitent les taxis, de même que ceux qui voyagent, demandent aux institutions étatiques à trouver une solution durable à ce problème manifestement récurrent. Jean-Claude Nshimirimana, Ruyigi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Claude. La loi burundaise autorise le commerce ambulant sur le territoire national, même si ces derniers jours, la police effectue des rafles visant des personnes sans emploi et des commerçants ambulants dans la ville de Bujumbura. Le code de 2015 régissant le commerce au Burundi montrait que le commerçant ambulant est tenu d'obtenir dans la commune de sa résidence un numéro d'identification. Ce code spécifie cependant qu'il revient au ministre du Commerce de déterminer par ordonnance les produits interdits au commerce ambulant. Célestin Blaise, Nihokugai. La loi numéro 1 du 16 janvier 2015 portant révision de la loi numéro 1/07 du 26 avril 2010 portant code de commerce dans son chapitre 2 intitulé « Du régime de commerce et des sociétés » surtout dans sa section numéro 2 sous-titrée « De l'obligation d'immatriculation du commerçant ambulant » montre dans son article 45 que le commerçant ambulant et le marchand détaillant qui se déplace constamment d'un endroit à l'autre du territoire national pour une durée variable a fait d'y exercer un commerce dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas un montant déterminé par l'ordonnance conjointe des ministres ayant les finances et le commerce dans leurs attributions. Le commerçant ambulant est dispensé de l'immatriculation au registre de commerce et de société. Toutefois, il est tenu d'obtenir dans la commune de sa résidence, un numéro d'identification de commerçant ambulant. À l'article suivant, nous lisons que le numéro d'identification de commerçant ambulant est délivré gratuitement sur simple demande écrite et sans qu'aucune condition ne soit exigée pour son obtention. Le numéro est délivré sur le champ de le dépôt de sa demande et un dossier ad hoc est constitué à cet effet. L'article 47 de ce code indique qu'il est tenu à cet effet dans chaque commune un registre de commerce ambulant. Le secrétaire communal est exigé de tenir ce registre. Le ministre ayant le commerce dans ses attributions en détermine par l'ordonnance le modèle ainsi que les inscriptions devant y figurer. L'article 47 spécifie que nul ne peut exercer le commerce ambulant s'il n'est pas détenteur du numéro d'identification de commerçant ambulant. À l'article 49, on mentionne que ne sont pas soumis aux dispositions des articles 45 à 48 le commerçant ambulant des produits artisanaux, agricoles et d'élevage. Le ministre ayant le commerce dans ses attributions peut déterminer par ordonnance les produits interdits au commerce ambulant. Cette section qui se termine par l'article 51 spécifique le préposé à la délivrance du numéro de commerçant ambulant qui soumet la délivrance du numéro à une condition ou qui, sans justification légitime, ne délivre pas le numéro sur le champ conformément à l'article 46 est passible de sanctions prévues à l'article 494 alinéa 2 de la présente loi. Quand bien même le code régissant le commerce au Burundi est clair, les commerçants ambulants sont emprisonnés et dépouillés de leurs biens par la police dans nos jours, dans la capitale Bujumbura. Merci Célestin Blaise Ndihokugayo. Avant la chronique santé qui traite de la drépanocytose, parlons de ces caféiculteurs de Ngozi et Kayanza qui grognent. En effet, l'échéance du 15 août donnée par l'agence de régulation de la filière café pour pouvoir payer tous les cultivateurs a expiré alors qu'il y en a qui n'ont pas encore été payés à province Ngozi et Kayanza. Sogestal Kayanza et Ngozi qui sont parmi les sociétés pointées du doigt tranquillisent ces caféiculteurs et promettent qu'ils seront bientôt payés. Radio Isanganiro Chronique. Dans la chronique santé, nous vous parlons de la drépanocytose qui est une maladie du sang et elle est transmise à l'enfant par les parents ayant eux-mêmes une anomalie dans le sang. Docteur Jocelyne Gahimbaré indique que c'est une maladie très grave que le malade doit supporter toute sa vie. Pour plus de détails, Joseph Saviabandi. La drépanocytose est une maladie qui ne guérit pas, qui affecte le sang. Elle est transmise à l'enfant par les parents dès sa naissance. Le pédiatre Joseline Gahimbaré explique que cette maladie est due à l'anomalie de l'hémoglobine. La drépanocytose est une maladie qui affecte les globules rouges. Vous savez que dans le sang, il y a les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Alors, dans les globules rouges, il y a une protéine qui est majoritaire, qui s'appelle l'hémoglobine. C'est cette hémoglobine qui est atteinte et qui est la cause de cette maladie. Quant aux signes cliniques de cette maladie, Dr Joseline Gahimbaré parle entre autres de la physiopathologie et des douleurs atroces. Quand on est au stade des complications, déjà ça commence par la physiopathologie. Et la physiopathologie de cette maladie, c'est que l'organisme fabrique des globules rouges qui sont, si je peux dire, d'une forme qui ne devrait pas être. Ils sont falciformés. Et ces globules rouges, ils ont une durée de vie qui est très courte par rapport aux globules rouges qui sont normaux. Et ça cause de l'anémie. Une autre manifestation qu'on appelle la crise vaso-occlusive, donc il y a une obstruction au niveau des petits vaisseaux et ça cause des douleurs vraiment atroces qu'on ne peut pas passer à côté. Une autre manifestation clinique, c'est surtout la susceptibilité de ces enfants aux infections, surtout aux infections au pneumocoque. Pour la prévention, ce médecin recommande le dépistage prénuptial, bien que le seul centre qu'est disposé le pays n'a plus de réactifs. Au Burundi, il n'y a pas de centre de dépistage. On ne peut pas dépister cette maladie. Et même nous, les praticiens, on s'offre seulement aussi une clinique parce qu'on n'a pas de réactif pour faire le dépistage de cette maladie-là. Et même les médicaments, on n'a pas assez de médicaments pour cette maladie. La prévention serait qu'il y ait un dépistage prénuptial, c'est-à-dire avant qu'il se marie, il faut qu'il fasse le test. Et s'il arrive que le jeune garçon a cette anomalie, également la jeune fille, il faut qu'ils arrêtent le projet du mariage. Les spécialistes indiquent que sur 4 enfants, un enfant sera atteint si les parents ont une anomalie dans le sang du nom de S. Merci Joseph, merci Docteur Jocelyne. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Eric Ouimana pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Ouimana. Une bonne soirée à l'écoute de notre programme.